1961. De la tragédie des communaux à celle des anticommunaux. Lu par Clémence Yebring. De la tragédie des communaux à celle des anticommunaux. Cette version officielle et idyllique de l'histoire du capitalisme a été contestée à plusieurs reprises par des historiens, dont Robert Allen et Michael Turner. Peu importe, la seule question qui nous occupe ici est de savoir si ce raisonnement peut s'appliquer à la propriété intellectuelle. Nous sommes aujourd'hui au cœur d'un second mouvement des enclosures. Cette fois, il ne s'agit pas de terre, de prés ou de pâture, mais de l'enclosure des communaux immatériels de l'esprit, selon l'expression du juriste américain James Boyle. On pose des péages à l'entrée de la connaissance, des barrières autour de la culture, et l'on confie les clés à des propriétaires. L'objectif? Tabler sur le contrôle accordé sur les ex-communaux de l'esprit pour les faire fructifier et mettre un terme au gaspillage au nom du principe « tomber dans le domaine public, c'est bien souvent tomber dans l'oubli », comme le dit l'une des cadres d'Universal Music, Sophie Bramley. Ce raisonnement est un leurre. Encore une fois, l'analogie entre propriété physique ou foncière et propriété intellectuelle s'avère un piège redoutable. Si un pâturage peut éventuellement être menacé de surexploitation, c'est au contraire la sous-exploitation qui guette les biens publics immatériels. Trop de vaches dans un champ épuisent l'herbage. Mais plus le nombre de personnes ou d'entreprises qui s'appuient sur un savoir est important, plus celui-ci est valorisé. Faut-il craindre l'usure du théorème du Pythagore à force de s'en servir en géométrie? Piétiné par les sabots et brouté par les vaches, un champ devient stérile. La connaissance, elle, se nourrit de connaissances, s'alimente, se fertilise. Et la multiplication des droits de propriété sur des parcelles de savoir rend la production de nouveaux savoirs plus difficile. Elle en inhibe l'accès et freine les nouvelles créations. Ce n'est en fait pas la tragédie des communaux qui menace l'immatériel, mais bien au contraire la tragédie des anticommunaux, selon l'expression employée par les économistes pour évoquer cette situation dans laquelle plusieurs acteurs étaient détenteurs d'une fraction de ressources, ils ont la possibilité de s'exclure les uns les autres, ce qui se traduit finalement par le fait que personne n'obtient le privilège de l'exploitation de la ressource, selon l'économiste Fabien Orsi. La rareté artificielle imposée par l'attribution d'un droit de propriété intellectuelle mène alors à la sous-utilisation d'un savoir. Bien entendu, le titulaire d'un brevet ou d'un copyright peut concéder une licence à un tiers désireux de créer quelque chose de neuf. Mais rien ni personne ne l'y oblige. Si un restaurateur sert un couscous immangeable, le client va ailleurs. Mais que faire si le restaurateur dispose d'un brevet sur le couscous et refuse qu'on améliore sa recette? L'histoire des brevets regorge d'exemples de recherches bridées par la faute d'un propriétaire ombrageux. Ce fut le cas de Watt. Quand le Parlement anglais prolongea de 25 ans son brevet sur la machine à vapeur en 1775, l'homme avait cessé d'être innovant et il limita drastiquement les licences qu'il accordait. Il freina les expériences de Murdoch sur les locomotives et refusa l'utilisation de la vapeur à haute pression. Il entrava l'essor de l'industrie mécanique pour plus d'une génération. Si son monopole avait expiré en 1783, l'Angleterre aurait eu des chemins de fer plus tôt, écrit l'historien François Caron. Plus symbolique encore est le cas du vaccin contre le paludisme. L'une des organisations caritatives qui travaillent sur le sujet, MVI, Malaria Vaccine Initiative, a identifié une protéine antigène qui pourrait s'avérer cruciale pour le développement d'un vaccin. Malheureusement, elle s'est aperçue que la protéine était couverte par rien de moins que 39 brevets différents. Elle a donc dû négocier 39 fois, se voyant demander bien souvent des royalties importantes, une exigence fatale dans le cas d'un vaccin sans valeur commerciale, puisque principalement destiné aux pays pauvres. Le coût humain, social, économique de cette dispersion est considérable. L'indulgence toujours plus grande avec laquelle les offices de brevets délivrent des titres entretient la tragédie des anticommunaux. Confrontés à l'explosion des brevets contestables ou de faible valeur, un nombre croissant d'entreprises se montrent très critiques à l'égard des dérives du système. C'est le cas d'Andy Grove, le patron du fabricant de microprocesseurs Intel. Fustigeant les brevets distribués trop facilement, il dénonce les coûts faramineux des contentions juridiques. De 5 millions de dollars aux États-Unis en 1982, ils sont passés à 4 milliards de dollars en 1998. Dans certains secteurs, tout travail d'innovation oblige à l'épluchage de centaines de documents par des juristes afin d'échapper au procès en contrefaçon. Les innovateurs se trouvent dans la situation d'un fantassin parcourant un champ de mine. Il y a de mauvais lots cachés de brevets qui n'ont pas été tirés et n'ont donc pas explosé. Et il suffit de poser un pied pour que l'entreprise perde sa jambe, témoigne l'ex-patron de la Commission américaine de la concurrence, Michael Scherer. Pour se prémunir, certaines firmes multiplient les dépôts tous azimuts dans le seul but de se constituer un portefeuille le plus large possible et de pouvoir ainsi riposter en cas d'offensive de concurrents. Spécialiste du genre, l'entreprise informatique IBM a été jusqu'à déposer des brevets sur la meilleure façon d'optimiser une file d'attente devant les WC des avions. En septembre 2003, le numéro 1 du rasoir Gillette a porté plainte pour contrefaçon contre son concurrent Chic, accusé d'avoir pillé ses technologies du coupe-chou à trois lames pour fabriquer son Quattro à quatre lames. En février 2004, Chic a lancé la contre-offensive. Cette fois, c'est Gillette qui aurait contrefait l'un de ses brevets. À ce petit jeu de l'escalade, il est évident que les petites et moyennes entreprises ne peuvent suivre. Dans le domaine culturel, la situation demeure tout aussi inquiétante. Le film Batman Forever a été menacé d'interdiction parce que la Batmobile traversait à l'écran une cour dessinée par un architecte qui réclamait de l'argent avant la sortie en salle. En 1998, la sortie de Devil's Advocate a été retardée de 2 jours par un juge car un sculpteur protestait contre la présence d'une de ses œuvres lors d'une scène. Les réalisateurs qui veulent tourner une scène de nuit à Paris doivent demander l'autorisation pour filmer la Tour Eiffel. Le jeu d'éclairage nocturne est protégé. Le cinéma qui intègre tout à la fois de l'image et de la musique et place ses histoires dans le monde réel est bien sûr le plus exposé. À un artiste de 18 ans, je dirais qu'il est libre de faire ce qu'il veut, mais, et là, je lui donnerai la longue liste de toutes les choses qu'il ne pourrait pas inclure dans un film sans convaincre les titulaires de droits ou payer. Je lui dirai qu'il est totalement libre de réaliser un film dans une pièce vide avec 2 copains, raconte le réalisateur américain Davis Guggenheim. Une exception de cinéma? La tragédie des anticommunaux est aussi à l'œuvre dans le cas de la musique où les DJs les plus talentueux doivent s'entourer d'avocats avant même de commencer à créer. Lorsqu'ils ont voulu sortir leur album As Heard on Radio Soul Wax, long mix de 46 chansons trafiquées, entremêlées, fusionnées, David et Stephen Dewall, la terre belge de 2 many DJs, ont dû contacter un par un tous les titulaires de droits. Résultat, impossible de mixer Beck, les Beastie Boys ou Daft Punk, car c'est la politique des majors comme Warner, Virgin, Geffen de ne pas accorder d'autorisation pour reprendre leurs artistes. Ils se les gardent pour leur propre compilation, précisent les 2 frères. L'obtention du feu vert pour l'utilisation d'un titre n'a pas toujours suffi à régler les litiges. Après avoir obtenu les droits d'un titre de Destiny's Child, les deux Many Digis ont été ainsi poursuivis en justice par Sony Belgique, qui estimait indigne de retrouver leur groupe de filles mixé avec le pop rock de 10cc. La littérature n'est pas plus à l'abri des difficultés, comme l'a prouvé la tentative des héritiers de Margaret Mitchell de bloquer aux États-Unis la sortie d'une version revisitée d'Autant en emporte le vent, vue du côté des esclaves noirs. Certes, on peut se demander si cet effet néfaste n'est pas compensé par l'incitation supplémentaire de nouveaux inventeurs et artistes à créer en dépit des difficultés. C'est le principe même de la propriété intellectuelle. En accordant un monopole aux créateurs, on espère susciter des vocations. Plus de brevets, plus de copyright ne conduirait-il pas à plus d'innovation, en dépit du renforcement des contraintes? Même pas. Les économistes cherchent toujours dans les statistiques des signes d'une augmentation éventuelle des dépenses de R&D provoquées par la multiplication des titres. Les travaux empiriques sur les conséquences du renforcement et de l'extension de la propriété intellectuelle montre l'absence générale d'effet sur les investissements, écrit François Lévesque. Quant à l'allongement récent de la durée du copyright de 20 ans aux États-Unis, Lévesque la qualifie d'anti-économique. Il a calculé qu'en moyenne, cet ajout de deux décennies rapporterait 0,3% de plus aux auteurs que dans la situation précédente. Peut-on croire alors que leur allongement de 20 ans se traduira par une croissance des investissements dans la création? L'augmentation est trop faible pour produire un effet incitatif.